l'instant, c'était Tidia sur Maxi France avec Claro des Lunes. Avec Cyril. Bon après-midi avec la radio qui vous propose d'écouter le meilleur de la chanson française des années 80 à nos jours. J'espère que vous êtes bien installés, surtout peut-être au boulot. On va essayer de vous aider moralement avec la musique française et je vous commence à vous préparer Rock Voisine avec Essie. Il y aura également Jean-Jacques Goldman ou encore Sophie Tite. Rappelez-vous, tous les bons sons, nous ne les avons pas oubliés. Sur Maxi France, on fera un petit tour du côté des années 80 avec les avions et leurs fanfares. Mais pour l'instant, je vous propose une nouveauté. Tout de suite, une nouveauté avec un artiste Maxi France, Amour. Si ça vous dit quelque chose, avec leur titre Strasbourg, je vous en parlais il y a très peu de temps de ça, bien évidemment, puisque c'est encore un petit groupe comme ça qui parle d'une ville ou d'une région de France. Et nous, sur Maxi France, on aime bien Amour. Tout de suite. Pas de Vérone mais de Paname. Elle veut des week-ends à Rome et des châteaux en Espagne. Dans ses désirs d'île déserte, Juliette a négligé la côte Est. C'est juste une erreur de parcours.